rêve d'une France blanche, sans Asiates, sans Noirs et sans Arabes. Y avait trop peu de burqa, nouveau débat autour de la viande halal. J'emmerde tous ces médias, les politiques et tous les cons autour. Ça sert à quoi de voter vu que c'est les banques qui contrôlent tout. Vous héritez de notre délinquance, normal qu'on veuille peser la France, j'emmerde. Tous les mecs payés à nous mettre des amendes, l'épicier je le baisse, le buraliste aussi. Leur sourire maker content de bicrave, alcool et nicotine. Graffiti, chaussures en toile, je vomis mon place de toi en toi. Et plus d'endroit, y'a plus d'emploi, même mes parents croient plus en moi. Je sais que c'est de ma faute, si j'ai ma cervelle qui se perd fort. Même si je suis mort, dites à ma soeur que je suis en pleine forme, ça pue le mort. Tu peux perdre un ami pour un 20 H de bœuf, regarde ta tête de gueule, c'est pour ton shit que j'ai un sèche-cheveux. Ris, ris, tout le monde rira avec toi, pleure. Et tu seras tout seul à pleurer. T'imaginais quoi? Hugo Pénard avec un paquet de thunes. Ils m'ont tous bavé dessus, y'a que mon médecin que j'ai pas déçu. Cette nuit le stylo pleure, quelques larmes coupées au dégoût. Vous savez quoi? Allez tous vous faire foutre. T'imaginais quoi? Hugo Pénard avec un paquet de thunes. Ils m'ont tous bavé dessus, y'a que mon médecin que j'ai pas déçu. Cette nuit le stylo pleure, quelques larmes coupées au dégoût. Vous savez quoi? Allez tous vous faire foutre. Je veux mon banquier sur l'échafaud, je voudrais le buter pour des tas de choses. Il fait ses plans à mes dépens, à chaque dépense j'ai des agios. Faut que j'achète un portable, j'ai juste assez pour un kawa. Forfait rodka, je peux pas changer, je suis engagé pour 24 mois. Je veux un casse dalle, frigo vide, pas un radis, juste une tomate. Ceux qui te laissent dans la mer sont peut-être les mêmes qui te diront à la tienne. Là c'est la dèche, j'ai tellement honte qu'au McDonald's. J'essaye ma carte sur l'automate pour éviter de m'afficher à la caisse. L'entraide a déconné, je compte sur moi. Vous comptez vos sous, à mon âge tu reconnais le rire des hyènes et la ronde des vautours. Je vois à terre tous ces faux potes et toutes ces mises débiles. Je veux pas faire dans le détail comme pour le bétail en cas d'épidémie. Je maudis les contrôleurs chaque fois, j'espère qu'ils monteront pas dans le train. T'aimes ta zouz, t'as pas de sous, tu maudis la Saint-Valentin. Ris, ris, tout le monde rira avec toi, pleure. Et tu seras tout seul à pleurer. T'imaginais quoi? Hugo Pénard avec un paquet de thunes. Ils m'ont tous bavé dessus, y'a que mon médecin que j'ai pas déçu. Cette nuit le stylo pleure, quelques larmes coupées au dégoût. Vous savez quoi? Allez tous vous faire foutre. T'imaginais quoi? Hugo Pénard avec un paquet de thunes. Ils m'ont tous bavé dessus, y'a que mon médecin que j'ai pas déçu. Cette nuit le stylo pleure, quelques larmes coupées au dégoût. Vous savez quoi? Allez tous vous faire foutre. Bon label, je les méprise, dealer. QT sort sans teaser. Je suis rappeur, pas dealer. Je fais de la musique, je fais pas des t-shirts. Laisse-moi coller mes stickers. Salé, arrache ta petite gueule. Laissez-moi dans mon monde. TSR Crew, c'est pas les Beatles. Trop de videurs. Je me fatigue, je suis inquiet pour le futur. Parcours foutu, je défends un coup de cutter, ma sous-culture. Je déterre la hache de guerre, je débarque et j'attends pas le feu vert. Je peux pas embarquer sur votre galère, j'ai trop le mal de perdre. Dans la musique, y'a trop de l'âge, joue pas les mecs adorables. Mental de tes conseils, de tes concerts et ta diora. Je rêve du port d'armes, y'a pas que des blessures qu'on soigne. Insupportable d'être dirigé par plus con que soi. Hugo TSR, roi des punchlines légendaires. Mais au final, ça sert à quoi quand tu déçois tous les gens que t'aimes? Ris, ris, tout le monde rira avec toi, pleure. Et tu seras tout seul à pleurer. T'imaginais quoi? Hugo Pénard avec un paquet de thunes. Ils m'ont tous bavé dessus, y'a que mon médecin que j'ai pas déçu. Cette nuit le stylo pleure, quelques larmes coupées au dégoût. Vous savez quoi? Allez tous vous faire foutre. T'imaginais quoi? Hugo Pénard avec un paquet de thunes. Ils m'ont tous bavé dessus, y'a que mon médecin que j'ai pas déçu. Cette nuit le stylo pleure, quelques larmes coupées au dégoût. Vous savez quoi? Allez tous vous faire foutre.